Chapitre 7e. Je profitais souvent de la permission que Madame Müller m'avait donnée de la revoir. Rodolphe était horriblement jaloux de me savoir si bien accueilli, et son dépit lui inspirait mille plaisanteries qui n'étaient pas toujours de mon goût. Les 10 années qui s'étaient écoulées n'avaient point changé Valérie. Pas un pli sur son fond blanc, pas une rose de moins sur ses joues. Elle était jeune comme à 20 ans, et me semblait 1000 fois plus charmante, soit que je comprisse mieux sa beauté, soit que le temps, si redoutable aux autres femmes, lui donnait des grâces nouvelles. Ce que j'aimais par-dessus tout, c'était son regard, toujours un peu mélancolique, alors même qu'un sourire doux et parfois piquant animait son visage. C'était bien le regard d'autrefois. Quant à son caractère, il offrait 1000 nuances fondues dans une adorable bonté. Plus je la voyais, plus j'étais charmé de ce mélange de sérieux et de gaieté, qui me faisait songer à une de ces journées de septembre où le soleil jette de gais rayons sur les teintes mélancoliques du feuillage, où les brumes se traînent sur les montagnes, mais où l'azur sourit au zénith. Toute vanité à part, je m'aperçois bien que Madame Müller ne me voyait pas sans plaisir. Il y avait entre nous plusieurs points de contact. Nous pensions à peu près de même sur tous les sujets qui intéressent les âmes élevées. Nous nous rencontrions dans un amour commun du beau et du bien. Seulement, elle m'était supérieure en beaucoup de choses. Elle avait l'expérience qui me manquait, elle connaissait le monde et la vie. Mais elle avait su éviter l'écueil du désenchantement, où se brisent si souvent même les heureux. Bientôt, je pris la douce habitude de la voir tous les jours. C'était imprudent, car je sentais que je l'aimais plus qu'on aime une amie. Mon parrain, à qui je disais tout, n'avait point reçu la confidence de cet amour. Je savais trop ce qu'il m'aurait dit et quelle morale il m'aurait faite. Je connaissais d'avance ses arguments. Je pouvais me donner à moi-même toutes les raisons qui devaient me guérir. Et je concluais en me disant ce que M. Balville m'avait souvent répété, on peut toujours étouffer un sentiment qui commence, mais si on le laisse grandir, si on le nourrit avec complaisance, il devient plus fort que la raison, plus fort que la vertu, et on ne peut plus en secouer le joug. Je me disais tout cela, mais je n'avais pas le courage d'étouffer cet enfant de mon cœur, que je trouvais si noble et si beau. Et je l'entretenais par mes visites journalières. Il est vrai que lorsque j'étais auprès de Valérie, cet amour se cachait comme honteux. Je ne pensais plus à rien qu'au plaisir de voir et d'entendre mon ancien ami, et il fallait que je l'eusse quittée pour me retrouver amoureux, mais je l'étais tout le temps que je passais loin d'elle. J'aimais, j'en étais sûr, mais étais-je ou serais-je aimé, c'était la grande question. La bienveillance qu'on me témoignait me donnait bien quelque espoir. Mais comment changer cet espoir en certitude? Comment s'assurer des véritables sentiments de la jeune veuve? Il y avait un moyen très simple, le lui demander. Une âme loyale comme la sienne répondrait sans tergiversation. Mais où trouver le courage d'oser? Et si Mardiès allait lui déplaire, me faire perdre sa sympathie, ses aimables entretiens qui m'étaient si chers? Si elle allait m'éloigner d'elle, me défendre de la revoir? Cette idée seule me faisait courir un frisson dans les veines, et j'ajournais de semaine en semaine mon audacieux projet de déclaration. Toutes ces pensées me donnaient sans doute l'air préoccupé, car ma bonne amie Charlotte me demanda plusieurs fois ce que j'avais. Il m'eût été doux de me confier à elle et de lui demander conseil. Mais je ne sais quel instinct m'avertit qu'il n'est jamais poli de dire à une femme qu'on en aime une autre, et je craignais que ma confidence ne fût pénible à une vieille fille pauvre et laide qui peut-être n'avait jamais été aimée. Je portais donc tout seul le poids de mes préoccupations. Un matin que je me promenais dans le jardin, toujours plongé dans mes rêveries, je cueillis machinalement un des œillets panachés de M. Grünkopf, et tout aussi machinalement je le mis à ma boutonnière. À quelques pas plus loin, je rencontrai le colonel. Ma boutonnière fleurie attira immédiatement son regard, et je vis au rapprochement subit de ses sourcils que cette vue allumait son courroux. Il passa devant moi plus roide que jamais, sans me rendre mon salut, et son chien qui le suivait toujours se mit à aboyer furieusement. Une heure après, une baguette plantée à la tête de la plate-bande d'œillets portait une assez grande pancarte où était tracée d'une écriture tremblée et comme en colère la proclamation suivante. Il est permis de regarder ces fleurs et de respirer leur parfum, mais il est expressément défendu de les cueillir. C'était catégorique. M. Grünkopf était dans son droit. Étant donné son amour pour ses fleurs, je m'étonnais à peine de la mesure prise pour les protéger. Mais, à quelques jours de là, comme je descendais de ma chambre, j'aperçus, au milieu du jardin, l'ancien dragon, l'air très affairé. Il tenait de la main gauche une gerbe de roses variées, de l'autre de grands ciseaux. Je n'en pouvais croire mes yeux. Avait-il perdu la raison? À quelle divinité offrait-il cette hécatombe de ses plus belles fleurs? Tout à coup, il se dirige d'un pas résolu vers les fameux œillets. Leur tête pourpre et blanche s'incline coquettement sous le poids de la rosée. Ils semblaient heureux de vivre et de boire les rayons du soleil. Hélas, la sieste s'approcha de leur tige svelte d'un vert si doux. Un premier tomba, puis un second, puis un troisième. Je ne comptais plus, c'était un massacre. Et en accomplissant cette œuvre barbare, M. Grünkopf semblait radieux. C'était à n'y rien comprendre. Un peu plus tard, je le vis descendre la Bergstrasse avec son gilet le plus extravagant. Il tenait à la main sa gerbe de fleurs et il oublia de me regarder de travers. Serait-il amoureux aussi, pensais-je, et cette idée me fit retrouver le fou rire de l'écolier. Mais je ne songeais pas longtemps aux amours de M. Grünkopf. Les miennes m'occupaient beaucoup plus. J'avais enfin pris la résolution d'instruire Mme Müller de mes sentiments. Je m'étais répété qu'on a toujours le droit de dire qu'on aime, et que tout en irait bien mieux si l'on osait montrer franchement ce qu'on a de bon et d'honnête dans le cœur. Je m'étais dit tout cela et bien d'autres choses, et cependant, ce ne fut pas sans une très vive appréhension que le soir, j'entrai dans le salon bleu de la Park Gasse. Mme Müller m'accueillit comme à l'ordinaire, avec une charmante cordialité. Je ne sais pas bien ce qu'elle dit. Préoccupé de ce que je voulais dire moi-même, et surtout, je regardais ses blanches mains faisant rapidement courir les aiguilles à tricoter. « Que faites-vous là, madame ?» lui demandai-je. « Vous le voyez ? Des bas de laine que je destine à mon vieux Hans. Il a des rhumatismes, et il faut bien le soigner. C'est un serviteur si bon, si dévoué. »« Il n'a pas grand mérite à cela, madame, du moment que c'est vous qu'il sert, qui ne voudrait être à sa place. Les gens raisonnables n'envient pas les autres et se contentent de leur propre sort. » Elle sourit en me lançant cet épigramme et parla d'autre chose. Je regardais toujours les aiguilles courir et le tricot s'allonger, bien que j'eusse le soin de placer de temps en temps quelques monosyllabes pour me donner l'air attentif. Madame Müller s'aperçut enfin de ma préoccupation. « Qu'avez-vous ? » me dit-elle. Ce « qu'avez-vous » fut prononcé d'une voix si douce et d'un air si aimable que je me sentis encouragé. Je me dis que c'était ou jamais le moment de parler. Mais comme le regard de Mme Müller me troublait, je détournai la tête pour chercher ma phrase d'introduction. À quoi tiennent les choses? Je n'ai jamais eu la manie, commune à beaucoup de gens très honorables, de regarder la corniche ou le parquet dans les occasions embarrassantes. Mes yeux ne se portent ni si haut ni si bas, et voilà pourquoi je regardais la table à ouvrage de Valérie. Une coupe de cristal de bohème, ou des biches ciselées en blanc sur un fond bleu, montraient leurs formes élégantes, était placée au milieu de cette petite table de lac. La coupe était le plus ordinairement vide, mais ce jour-là une énorme touffe de roses variées et d'œillets panachés s'étalait dans sa gracieuse évasure. Or, ces roses, ces œillets, je croyais les reconnaître pour les fleurs que le matin même M. Grünkopf avait si héroïquement enlevées à son parterre. Dire quel sentiment me saisit à cette vue serait impossible. Toujours est-il que la volonté de parler s'envola, que lorsque Mme Müller répéta sa bienveillante question, je répondis d'un air rauque que j'avais mal à la tête, et l'instant d'après je pris congé. Le vieux Hans m'éclaira suivant sa coutume, sa bonne figure souriante qui me plaisait tant à l'ordinaire m'agaça d'une manière horrible. Il me sembla qu'il me raillait, qu'il y avait de la malice dans son « Guten Nacht, mein Herr ». Aussi, je ne lui répondis pas et je m'enfuis plein de colère. Toutefois, je n'avais pas menti en parlant de mon mal de tête. J'éprouvais au cœur une douleur violente qui avait son contre-coup au cerveau. Arrivé chez moi, je plongeai mon front brûlant dans une eau fraîche et peu à peu, la fièvre se dissipant, je fus capable de raisonner. Qu'avais-je donc pour être si fort irrité et que m'avaient fait ces pauvres fleurs? Ce qu'elles m'avaient fait, elles étaient là, dans la coupe de Valérie, sur sa table. Elles les avaient regardées, admirées et respirées. Ce qu'elles m'avaient fait, elles avaient été offertes par M. Grünkopf, cet homme aux grotesques allures. Valérie le connaissait donc, et une sympathie quelconque les liait, puisqu'elle acceptait ses présents. Il est toujours fâcheux de ne pas dormir, même lorsqu'on nage dans le rose et le bleu. Mais quand on est malheureux, tourmenté, jaloux, c'est alors que le démon de l'insomnie a des cruautés sans égale. Je m'étais couché. J'avais cherché querelle à mes couvertures, accablé de coups mon pauvre oreiller bien innocent. Je m'étais relevé, j'avais été à la fenêtre. C'était une belle nuit calme, une de ces nuits faites pour les gens heureux. Tout reposait dans la nature, rien, excepté moi, n'était tourmenté. Les souffles de la nuit laissaient dormir les feuilles dans les bois et les nuages dans le ciel. Une atmosphère tiède et toute imprégnée de parfums m'entourait. Les étoiles envoyaient leurs rayons blancs illuminer ma fenêtre. J'étais furieux. Ces rayons, ces parfums, ces brises, qui me caressaient malgré moi, me semblaient une ironie. Qu'avait-il à faire dans ma cellule? Tout à coup, un ronflement sonore m'arriva, venant de la chambre voisine, celle de mon rival. Il dormait, lui. Il en avait le droit. On avait accepté ses fleurs. On l'avait remercié gracieusement, sans doute. Il dormait, et son bruyant sommeil venait troubler mon insomnie. Mille idées folles traversèrent mon cerveau. Je voulus frapper contre le mur, jouer du piano, réveiller de façon ou d'autre le dragon endormi afin qu'il vînt me chercher querelle. Mais la raison, qui ne m'abandonne jamais entièrement, me remontera à temps qu'en voulant réveiller M. Grünkopf, j'effarerai en même temps la maison et le voisinage. J'abandonnai donc mon idée et je revins à mon lit, non pour dormir, mais parce que dans les nuits les plus chaudes, il y a toujours un instant où l'on a froid. Bientôt le sommeil vint, parce que je ne le cherchais plus. Mes songes se ressentirent de l'agitation de mes pensées. Je vis M. Grünkopf se promener dans son jardin, donnant le bras à Mme Müller. Il me regardait d'un air narquois. J'allais contre lui le bras levé, mais alors César accourut et me mordit aux jambes, tandis que la cigogne me sauta sur les épaules et se mit à m'arracher les cheveux. Je criai de douleur, et ramassant des pierres, je voulus les jeter à M. Grünkopf, mais ce n'était plus lui qui donnait le bras à Valérie, c'était un vieillard, l'original du portrait que j'avais vu dans le salon bleu. Il l'emmena très vite. Je voulus courir après elle, mais j'étais attaché par des roses et des œillets. Je me débattis dans ses guirlandes, et au moment où j'allais parvenir à les rompre, je me réveillais. Les rayons du jour folâtraient dans ma chambre, et un vent léger balançait le jasmin de ma fenêtre. Il était déjà tard. Je me hâte de me lever et presse ma toilette. On frappe à ma porte. C'est Gustave qui me donne une lettre. Il avait reconnu le timbre de Genève et n'avait voulu laisser à personne le plaisir de me l'apporter. C'était une missive de mon parrain. Je la lus et je me sentis rasséréné comme si j'eusse respiré une bouffée de l'air natal. J'examinai alors au grand jour le noir régiment de mes pensées de la veille et je me convainquis bientôt que c'était en partie la nuit qui leur avait donné cette figure sinistre. Je me dis que ces fleurs ne prouvaient rien. Je me trouvais parfaitement ridicule. Et cependant, le soir, je n'allais pas chez Valérie, dans la crainte de revoir ses maudits œillets. Je n'y allais pas non plus le lendemain. Mais le troisième jour, je n'y tins pas, et je pris après le goûter le chemin de la Parque Gasse. En entrant dans le salon, mon premier regard fut pour la table à ouvrage. Les fleurs y étaient encore, mais tristes, penchées mélancoliquement l'une sur l'autre, pâles et s'effeuillant. Leur air de souffrance me fit plaisir. « Vous regardez mes pauvres fleurs, » dit Madame Müller. « Elles durent si peu dans cette saison qu'il est vraiment dommage de les cueillir. J'en ai grondé, M. Grünkopf. Elles auraient vécu plus longtemps dans son parterre. »« Je ne savais pas, Madame, que vous connussiez notre hôte. »« Je croyais vous l'avoir dit. C'était un ami de M. Müller. »« Il faut qu'il vous aime bien pour vous faire le sacrifice de ses fleurs. »« Il m'aime beaucoup, en effet, et je le lui rends de tout mon cœur. C'est un homme fort estimable. »« Et fort ridicule aussi. » « Édouard, Édouard, il ne faut pas juger l'arbre d'après l'écorce. »« Madame, dans le cas où un arbre est creux, son écorce est encore ce qu'il y a de mieux. »« Monsieur Grünkopf n'est pas un arbre creux, tant s'en faut. Il a bien des qualités, je vous assure. »« C'est possible, mais jusqu'à présent, je ne les ai point vus. »« Je le crois. Vous évitez de le rencontrer, de lui parler. Ce n'est pas le moyen de juger un homme. Vous êtes presque impoli avec lui. »« Et il s'en plaint, à ce qu'il paraît ?»« Non. » Il m'a seulement dit son opinion sur vous, à savoir qu'il vous trouve peu aimable, peu civil. Je vous ai défendu et je lui ai dit ce que je vous répète ce soir, il ne faut pas juger l'arbre d'après l'écorce. Ici manque la page 80. Je reprends à la page 81. Un soir, par une lune bien claire, l'impétueux fils d'Éole s'éveilla tout à coup, gémissant d'abord comme un enfant que sa nourrice délaisse et bientôt il se mit à mugir d'une voix menaçante. Il s'abattit sur le jardin de M. Grünkopf, effeuilla ses roses, secoua ses pauvres arbres, et voulant par un raffinement de cruauté le rendre témoin de la ruine de ses espérances, il ébranla sa fenêtre et fit craquer ses boiseries. Bientôt j'entendis mon voisin se lever, marcher un grand pas dans sa chambre en prononçant des mots entrecoupés. J'étais joyeux, j'ouvris ma fenêtre toute grande, je saluai ce bon vent qui était venu me venger, et ce fut avec délice que je livrai mes cheveux à ses violentes caresses. Cependant, vers les 2 heures, il regagna les cimes d'où il était descendu. Mais ce fut avec effroi que l'aurore éclaira les désastres de la nuit. En voyant tout ce dégât, je me repentis de la maligne joie que j'avais éprouvée quelques heures auparavant. M. Grünkopf était décomposé. Il allait d'arbre en arbre, et comme un général comptant ses morts sur le champ de bataille, il nombrait ses fruits jonchant le sol. Parfois il en ramassait un, le retournait dans sa main, le rejetait, soupirait et allait plus loin. Quelque ridicule que fût le désespoir d'un homme riche pour la perte d'un peu de fruits, son chagrin paraissait si réel que j'en fus touché. Aussi le saluai-je avec plus de politesse que de coutume. J'allais même lui adresser quelques mots de condoléance lorsqu'il me lança un regard si dur que ma sympathie s'enfuit tout effrayée et que je dirigeai mes pas d'un autre côté. Il y avait un quart d'heure peut-être que j'allais venir au bord du ruisseau quand j'entendis le bruit d'une altercation dans laquelle je distinguais la voix de M. Grünkopf et celle de Gustave. Je m'avançai pour en connaître la cause. « Monsieur, s'écria mon élève en m'apercevant, vous savez que je ne mens pas. M. Grünkopf m'accuse d'avoir effrayé sa cigogne. Je vous assure que je n'y songeais pas. Je courais dans le sentier. Cette sotte bête a eu peur, ce n'est pas ma faute. »« Vous mentez, » fit M. Grünkopf avec colère. « Je vous ai menacé l'oiseau, je le répète, vous mentez. »« C'est vous plutôt, monsieur, » reprit l'enfant. « Taisez-vous, Gustave, » dis-je en passant vivement entre eux, car l'ancien militaire avait la main levée. « Taisez-vous. »« Je ne vous fais pas compliment, monsieur le précepteur, » me dit le colonel d'un air méprisant. « Je ne vous fais pas compliment de la façon dont vous élevez ce jeune homme. »« Monsieur, » répondis-je en m'efforçant d'être calme, « cet enfant a eu tort, sans doute, mais pourquoi suspecter sa véracité ?» « Ah, vous me croyez-vous ? » s'écria Gustave l'air triomphant. « Je vous crois, mon ami, parce que je sais votre franchise et que jamais, à ma connaissance, vous n'avez déguisé la vérité. »« À ce compte, je mens, » dit M. Grünkopf. « N'est-ce pas, monsieur ? Votre élève l'a dit, du reste, et sans doute vous le pensez. »« Je pense, monsieur, que vous vous trompez. »« Se tromper sur un fait qu'on a vu n'est pas possible, vous le savez bien. Si j'accuse cet enfant à tort, je ne me trompe pas, je cherche à tromper. » « C'est vous qui le dites, monsieur. »« Et c'est vous qui me rendrez raison. Un homme de mon âge ne se laisse pas insulter par un gamin de votre espèce. Il me faut une réparation. »« Comme il vous plaira, monsieur. » Le capitaine me tourna le dos après cette réponse, et j'emmenai Gustave, qui me remerciait chaleureusement d'avoir pris son parti, ne se doutant point du péril qui me menaçait. J'étais exaspéré de l'injustice du colonel Grünkopf et de l'air dédaigneux qu'il avait pris avec moi. Quel plaisir j'aurais eu à le châtier. Mais là commençait la difficulté. Je n'étais pas fort à l'escrime, on le pense bien. Et si je ne craignais pas la mort, je ne pouvais songer sans émotion à la douleur de mon parrain, si ce duel, comme il était probable, avait un dénouement funeste pour moi. Et puis un duel. Cette chose inconnue dans les mœurs sérieuses de notre bonne ville de Genève, elle est attachée comme une souillure à mon nom. Que dirait-on de moi dans mon pays natal, où j'avais si souvent entendu flétrir ces sortes d'affaires, avec une énergique indignation. C'était mon grand souci. Après le déjeuner, j'allais trouver Rodolphe, qui était toujours à Bade avec le comte danois, et je lui racontai mon aventure, le priant de me servir de témoin. « Heureux garçon, s'écria-t-il, tu n'es coiffé, il n'y a pas à dire. À peine arrivé à Vienne, tu gagnes tous les cœurs. Tu trouves un mouchoir qui t'ouvre la porte du pays la mieux défendue. Et pour comble de bonheur, tu vas voir un duel. Un duel ! Mais tu ne sais pas ce que c'est qu'un duel, c'est le rêve de ma vie. J'ai eu des airs provocateurs, des sourires dédaigneux, des paroles moqueuses. J'ai même, au bal masqué, souffleté des faces de carton, et tout cela en pure perte, sans pouvoir arriver à ce but désiré, un duel. Et toi, sans l'avoir cherché, quelle chance ! Cette chance, je ne l'appréciais guère. Et malgré la leçon d'escrime que mon ami me donna avec une grande obligeance, je n'étais pas très encouragé. Si j'avais été moins novice dans le bel art de tuer son semblable, je n'aurais pas hésité à offrir mes excuses au colonel, bien que dans le fait, je ne crusse pas avoir tort. mais mon inhabileté me faisait un devoir de me battre, et du moment où j'étais le plus faible, il était nécessaire de me faire tuer pour éviter le soupçon de lâcheté. Rentré chez moi, je m'occupais à mettre un peu d'ordre dans mes affaires et à me préparer à la mort. J'écrivis à M. Balville. C'était un testament. Je fus bien ému en le traçant. Excellent homme. C'était la première fois que je le remerciais de ses bienfaits, car il n'aimait pas les phrases. Au jour de l'an, je l'embrassais, et c'était tout. Mais j'allais peut-être mourir. Et il m'était bien permis à ce moment d'exprimer tout ce que mon cœur enfermait pour lui de reconnaissance et de tendresse. Il fallait aussi le prier de me pardonner. Que pouvais-je dire, hélas, pour atténuer mon tort, nommer la fatalité, l'excuse de ceux qui n'en ont pas? Je me représentais mon pauvre parrain lisant cette lettre, et ma bonne Goton. Quelle douleur pour eux! Puis j'allais reposer sur la terre étrangère. Nulle brise amie ne caresserait le gazon de ma tombe. À ces pensées, je me pris à pleurer amèrement sur moi-même. J'étais si jeune pour mourir. J'écrivis une autre lettre, c'était à Valérie. Il fallait bien au moins que j'eusse le bénéfice de ma mort, qu'elle me donnât le courage de faire ma déclaration. Je me rendis à la Parc Gasset. Je remis les deux missives à Madame Müller, la priant de ne faire parvenir l'une et de n'ouvrir l'autre que dans le cas où il m'arriverait malheur. Je n'étais pas fâché de voir quel effet produirait sur elle la nouvelle du danger que j'allais courir. Elle m'écouta tranquillement, sans paraître émue le moins du monde. « Ainsi, dit-elle, quand j'eus fini, vous qui êtes un jeune homme éclairé, raisonnable et de plus chrétien, vous vous êtes mis dans le cas de vous battre. Ce n'est pas ma faute, madame, je n'ai aucun tort. » « C'est vrai, a-t-on jamais tort? Vous ne savez pas ce qui s'est passé, madame. » M. Grünkopf accusait injustement Gustave. J'ai soutenu mon élève, c'était mon devoir. Vous pouviez avoir raison quant au fond. Le mal sera venu d'un défaut de forme. Je ne crois pas. Moi, j'en suis sûr. Il n'y a guère de conflits qui n'eussent pu être évités avec un peu de prudence et de politesse. Il n'est chose rude et sévère qu'on ne puisse dire en l'habillant décemment. Si vous y étiez bien pris, non seulement M. Grünkopf ne vous aurait point provoqué, mais je suis presque sûr qu'il aurait reconnu son erreur. Lui? Ce n'est pas ce matin qu'il aurait pu être capable de ce noble effort. Il était en fureur parce que le vent avait dévasté son berger. Ne pouvant se battre contre le vent, il a imaginé de se battre contre moi. Vous a-t-il envoyé ses témoins? Pas encore. Vous voyez donc qu'il n'est pas si altéré de votre sang. Il vous laisse le temps de vous calmer et de lui faire vos excuses. Moi, des excuses à lui. Pourriez-vous m'ordonner cette lâcheté? Vous employez là un singulier terme, Édouard. Ai-je le droit de vous ordonner quelque chose? Mon amitié pourrait vous donner le conseil d'être prudent, voilà tout. Car enfin, si vous êtes fort sur le grec, vous n'êtes peut-être pas tout à fait aussi habile au maniement des armes. Et le colonel Grünkopf, que vous trouvez gauche, ne le sera pas sans doute l'épée à la main. Je sais fort bien que je risque beaucoup, mais ce n'est pas ce qui me fera reculer, vraiment. Faites-vous donc si peu de cas de la vie? Vous avez tort, elle est un présent de Dieu, et comme telle, elle est précieuse, et c'est mal remplir les vues du Créateur que de la jouer à tout propos. Quand l'honneur l'exige, l'honneur, voilà un grand mot, et qui représente une belle chose. Le véritable honneur ne commande jamais d'extravagance, mais il a sa caricature, et c'est cet honneur de parodie qui a inventé le duel. Si l'on hasarde sa vie, il faut que le but mérite un si noble enjeu. L'humanité, le patriotisme, la religion, voilà des choses pour lesquelles on a le droit de mourir. Mais exposer sa vie pour un défaut, pour une passion, est-ce de la bravoure? L'homme raisonnable doit-il mettre sa gloire à persévérer dans un tort? Vous êtes précepteur, Édouard. Enseignerez-vous à votre élève que demander excuse est une lâcheté? Non, sans doute. Et si j'avais offensé le dernier des hommes, je m'empresserais de lui en demander pardon. Mais offrir des excuses à M. Grünkopf, que je n'ai point insulté, qui d'ailleurs me croirait lâche, non, mille fois non. Il ne vous croira pas lâche, vous n'avez pas cet air-là. Mais encore, une petite humiliation ne vaudra-t-elle pas mieux que de partir pour l'autre monde, où il n'est pas certain du tout que les duellistes soient bien accueillis, et d'affliger vos amis qui vous regretteraient, tout extravagant que vous êtes? Ce n'est pas que je craigne la mort pour vous, ajouta-t-elle. M. Grünkopf, j'en suis bien sûr, vous ménagerez. Mais quel esclandon ridicule! Un précepteur n'a pas le droit d'être étourdi. La raison, la prudence, la réserve sont les vertus de son emploi. Voilà ce que j'avais à vous dire, Édouard. Réfléchissez et décidez ce que vous devez faire. Ainsi parla Madame Müller, et après elle, ma raison reprit ses arguments, les commenta, les renforça, et le lendemain, je descendis au jardin, alors M. Grünkopf faisait sa visite matinale, je l'abordai. « Monsieur, lui dis-je très posément, s'il m'est échappé hier une parole qui vous est offensée, je vous prie de vouloir bien m'excuser. »« C'est bon, » me répondit-il sans se retourner. Cette manière peu gracieuse d'accueillir mes excuses me choqua passablement. J'eus cependant la prudence de ne pas les rétracter, et je les racontai à Mademoiselle Charlotte, qui avait entendu le défi de la veille, la fin pacifique de l'aventure. La bonne fille qui avait passé la nuit dans des transes mortelles fut si heureuse d'apprendre que je ne me battrais pas qu'elle en pleura de joie. Je fus bien touché de cette sympathie. Rodolphe, qui vint me voir dans la journée, ne fut pas aussi satisfait. Il s'était fort réjoui d'être mon témoin et me trouva impardonnable d'avoir laissé échapper l'occasion de ce duel qui m'aurait mis à la mode. Je supportai patiemment ses injures et je lui dis en riant que je préférais être moins à la mode et plus en vie. À quelque temps de là, je rencontrai chez Mme Müller M. Grünkopf et son chien César. Il fallut bien se parler. Je fus étonné d'entendre l'ex-dragon causer avec bon sens et une sorte d'humour. Ce n'était plus le même homme qui se promenait dans son jardin, l'air rogue et hargneux. Illuminé d'un rayon de bienveillance, sa figure était presque agréable. Il paraissait m'observer attentivement et peser toutes mes paroles. Tout à coup, il me tendit la main. « Jeune homme, je m'étais trompé sur votre compte, je le vois. » Et vous méritez le bien que Madame Müller me disait de vous. J'avais peine à le croire, vous êtes si jeune, et la jeunesse. Et puis, vous avez pour ami Rodolphe Königstein, un petit fat. Je vous ai cru du même caractère, j'ai eu tort, j'en conviens franchement. Oubliez la défiance que je vous ai montrée. De tout mon cœur, monsieur, répondis-je, et d'autant plus volontiers que moi aussi, je n'avais pas su démêler en vous l'homme cordial et bon que vous êtes. Allons, tant mieux, fit-il en me secouant la main à m'arracher le poignet. Je suis bien aise de ne pas être le seul coupable. » Le Terre-Neuve, qui du coin de l'œil avait observé cette petite scène, se leva gravement du tapis où il était couché et avait léché la main qu'avait serrée son maître. Puis il alla reprendre son attitude de repos. La réconciliation était complète et du même coup, je venais d'acquérir deux amis. Depuis ce jour, j'eus de fréquents et amical rapports avec le colonel. Nous parlions souvent de Valérie. Il ne tarissait pas sur les vertus de cette femme charmante. Il me disait tout ce qu'elle avait été pour son mari, de quels tendres soins elle avait entouré ce vieillard infirme, et quelle auréole de bonheur elle avait fait luire sur ses derniers jours. Il me racontait ce qu'elle était maintenant pour les pauvres et les affligés, un ange sur la terre, concluait-il. J'appris aussi par Madame Müller que M. Grünkopf, que j'avais cru avare, était l'homme le meilleur et le plus généreux, mais par je ne sais quelle honte bizarre, il aurait rougi de passer pour bienfaisant, et se cachait pour faire le bien comme les autres pour faire le mal. C'était donc avec plaisir que je le rencontrais, excepté chez Valérie, où sa présence ne contribuait pas à me donner le courage de parler de mon amour. L'été s'était passé, et je n'avais rien dit encore. Mais Madame Müller ne devait-elle pas avoir deviné ce qui se passait en moi ?